Bonjour à toutes et à tous. Voilà, premier épisode de podcast. Je suis en Crète, sur la plage de Prevli. C'est la pleine lune, elle est magnifique. Au-dessus de moi, il est à peu près 6h du matin. Je dormais là avec Léonore cette nuit, mais la lune était tellement forte qu'elle nous a réveillés. Je n'arrivais pas à me rendormir, alors je suis parti sur la plage. On était en train de dormir sous les arbres. Je suis parti sur la plage pour faire des mouvements intuitifs, hein, comme j'aime le faire, c'est-à-dire me camper sur mes deux jambes et respirer de manière intuitive et connectée. Connectée, c'est-à-dire sans pause entre l'inspire et l'expire, ni... entre l'expire et l'inspire, surtout en me concentrant sur l'inspire et en laissant l'expire se faire de lui-même. Inspire de nouveau, alors sans forcer ma respiration, c'est-à-dire que je ne veux pas emmener l'inspire plus loin qu'il n'a envie d'aller. J'écoute intuitivement l'inspire dont j'ai besoin et ensuite je laisse émerger des mouvements spontanés et intuitifs, c'est-à-dire que mon corps de lui-même bouge, se déplace, d'abord souvent mes mains, et puis je vais suivre ce mouvement, je vais voir que mon bras s'étire vers la gauche, s'étire à droite, mon torse s'ouvre, ma tête se penche en arrière. Donc il y a une contraction du torse, ensuite une ouverture, et puis le mouvement s'étire, j'étire ma hanche, donc je viens sur le côté, je viens faire comme une spirale avec mon tronc. Voilà, et puis là, le mouvement m'amène au sol, donc je pose un genou par terre, je sens que je suis contracté dans le ventre, je laisse faire, je continue à respirer. Voilà, donc je sens que mon bassin commence à tourner vers la droite, m'étire. Hop. Ma jambe gauche s'allonge, mon genou droit vient à terre. Et puis je respire là-dedans, donc là j'ai les deux genoux dans le sol, les pieds à terre, donc le bassin vraiment les jambes ouvertes. Le sacrum proche du sable, et je respire. Donc voilà, je refais une petite démo en direct pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. En fait, voilà, je m'aperçois que le corps a comme une sagesse spontanée. Il sait exactement ce qu'il a besoin d'étirer, ce qu'il a besoin de tendre, de contracter, d'ouvrir, de relâcher. Donc je l'accompagne. Je l'accompagne avec mes respirations, avec mon intuition et je laisse le mouvement... En fait, ce mouvement qui est déjà à l'intérieur de moi, qui a, je pense que physiologiquement, on peut parler de mouvements idéomoteurs, c'est-à-dire des mouvements spontanés du système nerveux, de la physiologie qui se met en mouvement en elle-même. Je crois qu'il y a vraiment cette sagesse du vivant dans plein d'endroits, mais cette sagesse du corps qui sait exactement ce dont il a besoin pour revenir à l'équilibre. En fait, cette tension musculaire, je pense que progressivement, avec des mouvements contrôlés, effectivement, du yoga, des postures, de la gym, des étirements, du kiné, etc., on peut étirer, on peut faciliter, fluidifier le corps, mais je pense que le corps lui-même, c'est encore mieux ce dont il a besoin. Parce qu'il n'a pas besoin à tous les moments de la journée la même chose. Il n'a pas besoin, peut-être le kiné va nous dire de rester 2 minutes sur tel étirement alors qu'en fait il a besoin de 30 secondes, d'étirer autre chose et puis d'y revenir. Et en fait je le vois moi sur ces mouvements spontanés. Quand je viens souvent, mon corps vient me plier en deux. Donc je suis debout et vient me plier en deux. Jusqu'à ce que ma tête se baisse et puis j'étire en fait mes adducteurs, les ischios, derrière les cuisses. Donc j'ai la tête penchée vers le sol. Et en fait, souvent, il m'amène à gauche, et puis ensuite, il m'amène à droite, et puis il me ramène à gauche. Et vraiment, il y a une alternance. Et puis des fois, quand mon corps vient étirer de lui-même ma hanche d'un côté, ça s'équilibre de l'autre côté, et je vois... Alors pas toujours, parce que c'est pas toujours besoin d'équilibrer, mais toujours est-il que le mouvement se fait, et mon seul guide, c'est le plaisir. En fait, le plaisir que ça me procure, que ça me fait, il y a un vrai plaisir, même s'il y a un peu de douleur des fois. Je sens que c'est de la bonne douleur, que c'est vraiment un étirement bienfaiteur. Voilà. Donc je le fais un petit peu en même temps pour avoir bien, être bien en contact avec ce que je veux partager avec vous. Voilà, et donc cette respiration connectée, elle est issue du rebirth, de plein d'autres techniques respiratoires avant ça, hein, mais c'est une technique thérapeutique pour aller chercher les émotions à l'intérieur de soi et les libérer, les tensions musculaires et nerveuses aussi. Parce que donc dans tous ces mouvements spontanés, je pense qu'il y a physiologiquement mon corps qui essaye de revenir à l'équilibre, de fluidifier, d'amener plus de fluidité, d'harmonie. Là, je le sens tout à fait dans mon corps. Je suis en train de faire des mouvements avec mes jambes et je sens que tout est plus fluide, j'ai moins de douleur, je me sens plus en forme, l'énergie circule. Et en fait, dans ces tensions musculaires et nerveuses, je pense qu'il y a aussi des émotions. Plein de mémoires, en fait, de blessures, de charges émotionnelles, de moments, surtout dans l'enfance, parfois la naissance. On peut même imaginer des blessures qui datent antérieures à ça, la vie intra-utérine, des vies antérieures, pourquoi pas, si on y croit. En tout cas, des mémoires, surtout de l'enfance, je crois, qui peuvent se libérer. Et en fait, pendant ces mouvements, des fois, il y a certaines postures, certains étirements qui peuvent activer des émotions. Et à ce moment-là, il suffit de les laisser advenir. Donc en écologie intérieure, on parle de transmutation directe. C'est-à-dire laisser l'émotion être, l'accueillir, accueillir tous les mouvements spontanés du corps et être en conscience témoin, c'est-à-dire en posture méditative, se regarder vivre ce qu'on est en train de vivre. Et donc laisser faire, l'émotion monte, elle monte, les contractions peuvent advenir ou du relâchement au contraire. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, qui grandit, qui atteint un climax et qui se libère, qui s'apaise. Donc tout ça, ça se relâche. Après, l'émotion s'apaise, se transmute. Et donc voilà, il y a du bien-être qui arrive ensuite. Et puis peut-être un autre mouvement ensuite qui émerge et que j'encourage à suivre. Donc en pratiquant tout ça, m'est venue l'idée de... Voilà, créer, pourquoi pas, un espèce de yoga intuitif ou inspiré, yoga connecté, yoga spontané, créer peut-être un site internet ou des vidéos pour partager cette pratique. Parce que qui mieux que soi-même peut savoir ce dont on a besoin en termes de mouvement, en termes de respiration. Voilà, donc en écologie intérieure, on parle de fin de la guerre contre soi. Et si, au contraire, bah, on allait même jusqu'à s'écouter, écouter son corps, tout ce qu'il a à nous dire, tout ce qu'il a envie de... Les mouvements, les postures qu'il a envie de prendre, la respiration qu'il a envie de faire. Et voilà, un petit chemin vers soi, vers un petit peu plus de bien-être dans son corps. Voilà, je pense que cette pratique me permet progressivement, puis je vous le dirai, je suis en train de l'expérimenter, hein, mais d'être beaucoup plus fluide, la posture, de s'améliorer, d'avoir plus d'énergie, d'être plus souple, de vivre plus longtemps, d'être plus joyeux, et puis même progressivement, voilà, aussi ce travail émotionnel, moi je suis en train de le voir avec d'autres... d'autres systèmes, notamment BBTRS, Biodynamic Breathwork and Trauma Release System, que ce travail sur la respiration, ce travail d'accueil de l'émotion, des mouvements spontanés, permet déjà des libérations émotionnelles et donc plus de bien-être, de liberté, de fluidité au quotidien. Voilà, donc mon premier partage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis je partagerai d'autres choses bientôt avec vous. Le soleil est progressivement en train de se lever sur Prévely. La mer est sublime. Et la lune va bientôt disparaître derrière la montagne. Tout est parfait et juste et je suis très enthousiaste pour tout ce qui est à venir. Je vous embrasse tous et toutes.